Donc, bonjour mes frères et sœurs, encore une fois, nous allons regarder aux Écritures et nous allons nous tourner vers cette lumière, parce que les Écritures sont appelées la lumière, et cette lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus, c'est la lumière, mais Jésus aussi, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas étudier la parole de Dieu sans recevoir de la lumière. Et la lumière nous conduit vers Jésus, vers Dieu. Notre Père du ciel, nous tournons encore une fois vers toi afin que tu nous conduises dans la vérité. Il est facile pour nous des fois de s'égarer. L'apôtre Paul a dit une fois qu'il avait crainte qu'on s'éloigne de la simplicité qu'il y avait en Christ. Garde-nous par ton esprit, garde-nous par ta puissance et ta force dans la vérité. Amen. Donc, encore une fois, je résume un petit peu. Je résume en le voyage missionnaire de Paul que nous allons terminer ce matin. Paul a été appelé par l'Esprit Saint, mis à part par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a décidé quand la mission commencerait. L'Esprit Saint a décidé où ils iraient. L'Esprit Saint a équipé, donné la force, la puissance à ses apôtres pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre que lui avait préparée pour eux. Je le répète. La Trinité n'est pas en réaction à ce que l'on fait. Mais nous sommes, les humains et les croyants, en réaction à ce que Dieu fait. Exemple, Dieu avait choisi Paul et Barnabas. Dieu les avait prédestinés ou appelés à être des missionnaires. Lui avait décidé quand est-ce que ça commencerait. Lui a décidé d'où est-ce qu'ils iraient. Donc, on ne doit pas nous penser qu'ils vont se soumettre à nos idées, à nos projets, à nos programmes, à nos prières. Ils vont se soumettre parce que nous, on est sages, nous, on sait qu'est-ce qui doit être fait, nous, on pense que c'est qui est correct. Attention, attention. Lui sait. Nous, on doit se soumettre volontairement, avec joie, dans la prière, à son plan. Ils sont partis, et on a vu qu'ils ont implanté des églises, des groupes de croyants, dans les différentes villes où ils sont allés. On a vu que leur méthode, c'était juif premièrement, païen deuxièmement. Mais on a vu ensemble que les païens étaient en train de être en plus grand nombre que les Juifs dans l'Église. Et ça va être de même pour tout le temps de l'Église. On a vu qu'ils ont fait beaucoup de miracles, et quand on fait beaucoup de miracles, il faut faire attention de ne pas faire de ces gens-là qui font des miracles, des saints, des prophètes spéciaux, des gens qu'il faut prier, des gens qu'il faut invoquer, ou quoi que ce soit. Ils sont que des chrétiens qui ont fait ce que Dieu leur avait demandé de faire, à eux, spécialement dans ce domaine-là. Et ce matin, nous allons lire à partir du verset 19, et nous allons voir comment se termine ce premier voyage missionnaire. Verset 19. « Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs, qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traîna hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à la persévérance dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie, annonçant la parole à Perge et descendirent à Attalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés par la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Donc, Luc termine en disant à Théophile comment ils ont terminé leur premier voyage missionnaire. Donc, ils ont été de ville en ville, et souvent de ville en ville, il y avait de la persécution qui venait de la part des Juifs. Et on voit à chaque fois, Luc va faire ressortir devant Théophile, que les Juifs sont ceux qui soulèvent les populations, qui agitent les populations, sans raison valable, par jalousie. Et ici, ils font lapider Paul et le laissent pour mort en dehors de la ville. Mais il n'est pas mort. Donc, les disciples vont autour, s'aperçoivent qu'il n'est pas mort et le ramènent à Derbe et dans la ville de Lycaone. Donc, il va certainement passer un peu de temps pour récupérer. Parce que quand tu es lapidé et tu es laissé pour mort, tu dois être un peu magané, comme on dit en québécois. Et là, quand ça a été remis sur pied, il est parti. Et il retourna à Lys, à Icône et à Antioche. Antioche de Pisidie, non pas l'autre Antioche, où ils vont retourner tout à l'heure. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on va s'arrêter un petit peu ici. Il fortifie l'esprit des disciples. Comment est-ce qu'il fortifie l'esprit des disciples? Comment est-ce qu'il rend fort ou plus fort l'esprit des disciples? C'est tout simplement par l'enseignement. Si vous prenez le mot « fortifier », et vous regardez dans l'ensemble des Actes des Apôtres et dans le Nouveau Testament, ils fortifiaient les disciples en prêchant, en leur enseignant, en leur expliquant de plus en plus clairement, profondément, les vérités des Écritures. Ce n'est pas en les sermonnant, en les faisant sentir coupables, qu'ils vont les fortifier, mais en les fortifier en leur donnant des vérités, des principes, moi j'appelle ça des données, des enseignements, pour qu'ils soient plus forts. Plus fort n'égale pas automatiquement moins de péché. Mais plus fort, ça veut dire que tu résistes à la tentation d'abandonner. C'est pour ça que vous allez voir que ça vient dans la même direction que verset 22. Ensuite, il les exhorte à persévérer dans la foi. N'abandonnez pas dans la foi. Continuez dans la foi. La foi ici, c'est pas continuer à croire, hein, parce que, écoute, tu as cru, tu crois, mais dans la foi enseignée par les apôtres. Vous savez, c'était pas facile pour les premiers croyants, et c'est pas facile aujourd'hui encore pour bien des croyants dans le monde. Il y a bien des gens qui adhéreraient à la foi si la foi n'était pas ce qu'elle est. Un peu comme la chanson « Tout le monde va aller au ciel, mais il n'y a personne qui va mourir ». Tout le monde voudrait être sauvé, mais pas beaucoup veulent donner leur vie à Dieu pour le servir. Donc, il les fortifie, il leur dit « persévérez dans la foi malgré les tribulations que vous pouvez avoir ». Jésus avait dit « ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés ». Et le mot « persévérer jusqu'à la fin », c'est persévérer dans la difficulté, dans les tribulations, dans les menaces. Même si on va vouloir vous arrêter, continuez. N'abandonnez pas. Gardez la foi jusqu'à la fin. L'auteur de l'Épître aux Hébreux enseigne ce principe tout au long de l'Épître. Il dit à 6 ou 7 fois, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ou qui abandonnent pour se perdre. Paul va dire en Galates une fois, est-ce qu'on a travaillé en vain? Est-ce qu'on a travaillé en vain? Est-ce que vous êtes en train d'abandonner la foi qu'on vous a prêchée pour retourner aux œuvres de la loi pour être sauvés? Persévérez dans la foi. Parce que, avant que l'Église entre dans le royaume de Dieu, ici, je ne dois pas souffrir, moi, hein, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Les souffrances n'ont aucun mérite en soi. Je n'ai pas souffert pour être sauvé. Je suis sauvé, et ça amène des souffrances dans ma vie. Et je dois être fortifié et être persévérant et pour entrer dans le royaume de Dieu. Pas pour être sauvé. Et l'Église, dans son ensemble, va passer par un temps de souffrance avant que le royaume de Dieu soit établi de façon ultime. Parce que je parle de nouveau sur la nouvelle terre. Donc, il faut comprendre ça. Ça ne veut pas dire ceci, que tous les croyants vont souffrir et vont être persécutés. Sans ça, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. J'ai entendu parler d'une histoire, je ne sais pas si c'est vrai. On appelait ça le syndrome de la persécution dans les premiers siècles. Les chrétiens qui ne souffraient pas pensaient qu'ils n'étaient pas chrétiens et ils allaient prêcher sur les places publiques afin d'être persécutés et de croire qu'ils étaient vraiment sauvés parce qu'ils étaient persécutés. Il y a des chrétiens qui sont sauvés et qui vont mourir quelque temps après. Ils n'ont pas eu de grosses persécutions. Et peut-être pas de persécution du tout. Mais ce qu'il est en train de parler ici, c'est que l'Église souffrait à ce moment-là. Puis Paul leur dit, avant que le royaume de Dieu vienne de façon ultime, de façon finale, ben, l'Église va passer par des temps de difficultés et de souffrances. Ensuite, ils font une autre chose. Ils établissent des anciens dans chaque ville ou dans chaque église. Pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? On ne voit pas Jésus commander ça aux disciples. Mais c'est quoi? C'était une coutume pour eux de faire ça. C'était une coutume dans les synagogues d'avoir des anciens. Et Paul nomme des dirigeants. Parce que comme dans tout mouvement, dans toute structure, dans toute organisation, il va y avoir des leaders. Soit implicites ou explicites. Mais il y a toujours des leaders. Et Paul ici va désigner, ils, Paul et Barnabas, vont désigner des anciens dans l'Église. Ils vont prier, ils vont jeûner, ils vont les recommander au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, je ne crois pas que c'est juste les anciens qui les recommandent ici, mais l'ensemble des croyants. Donc, ils nomment des anciens pour qu'ils puissent diriger l'Église. On va voir plus loin des normes que Paul va donner pour mettre en place des anciens. Ça, c'est dans Tite et Timothée. Mais ici, on ne nous a rien dit. On nomme des anciens, des dirigeants, des responsables, pour aider l'Église à avancer, pour aider l'Église à se fortifier, à persévérer, à garder la foi. Et Paul et Barnabas, je crois avec les anciens et avec l'Église, ils vont prier afin que Dieu les garde, les fortifie, les garde persévérants. Afin que Jésus puisse diriger son Église comme il a dit. Ensuite, ils traversent la Pisidie, ils traversent la Pamphylie, ils annoncent l'évangile à Perge, ils descendirent à l'Italie, et ensuite ça, ils s'embarquent pour Antioche. Ils retournent à la fin de ce premier voyage dans l'église d'Antioche, là où ils avaient été recommandés au Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent comment tout ce que Dieu avait fait par eux. J'aime ça, cette parole-là. Ils racontent tout ce que Dieu avait fait avec eux ou par eux. Comment Dieu a ouvert la porte aux nations. Et comment il y a des groupes ou des églises qui ont été commencées dans toutes les villes, dans plusieurs villes alentour. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Il ne faut pas douter, frères et sœurs. C'est Dieu qui bâtit l'Église au Québec. C'est Dieu qui bâtit notre Église dans notre région. Et donnons-lui la gloire. Donnons-lui la gloire pour tout ce qu'il fait. Fortifions-nous les uns les autres par les Écritures. Encourageons-nous les uns les autres à persévérer dans la foi. Prions les uns pour les autres. Recommandons-nous mutuellement au Seigneur, afin qu'on puisse être trouvé par lui veillant, persévérant, quand il va revenir chercher son Église. Seigneur notre Dieu, nous te remercions que tu nous as montré dans ces deux chapitres ta façon à toi d'organiser l'Église, de fortifier l'Église, de garder ton Église. C'est toi qui fais toutes choses, c'est toi qui œuvres par eux ou avec eux, et c'est toi qui œuvres avec nous et par nous. Donne-nous de toujours garder bien clair dans notre esprit, que c'est toi qui bâtis l'Église, à ta façon, à ta manière, à ta vitesse. Donne-nous d'être toujours soumis à ta direction. Donne-nous de toujours te donner la gloire pour tout ce que tu fais dans nos vies et par nos vies. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.